rodeo, na na na na. Wow, ça, c'est de la balade. Il y a problème de connexion, monsieur Gris. Et tu fais pas chier. T'amènes une guitare ou un ukulélé. T'amènes une guitare et tu fais pas chier. tu veux partir en vacances. Tu prends une guitare, tu fais pas chier. Si tu prends un ukulélé, tu vas finir par te faire engueuler. Tu pars en vacances, baby. Prends une guitare et fais pas chier. Et dans la rue tu vas rencontrer tout un tas de pauvres mecs, tu sais. Solo star à deux balles qui vont t'apprendre la vie. Tu prends un ukulélé et tu joues comme les vaillants. Thank you. De toute façon, tu pourras squatter la guitare de ton voisin de palier. Il y aura toujours quelqu'un pour te prêter un petit peu pour fumer, pour te défoncer. Un pack de bière, et tu seras la reine de la soirée. Avec ta guitare, tu pourras faire la basse. Thank you. et les livres, Max. Ça manquait un peu de synthé quand même, c'est vrai. don't say I will ever welcome to the eye. Up the step to all my eyes, we're still on again. L'anonyme est parti. Parti. L'anonyme est parti. L'anonyme est parti. Oh yeah. Putain, c'est cool la sortie line out. Oh yeah. Thank you. fall. In the front of the frown. Ben s'est tiré. Putain, j'ai un micro, on entend tout. Thank you.